Et bienvenue à La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Mon nom est Mathieu Plante, avec vous pour 2 heures des nouvelles et des choses qui vous importent et qui vous intéressent le plus. On va parler entre autres cette semaine d'un gars qui protège sa PlayStation 3 avec une épée de samouraï. Oui, c'est vrai. Et on va parler de YouTube sur l'iPhone. Mais avant, on commence par une toute nouvelle pièce que vous avez certainement jamais entendue du nouvel album de Metric, Grow Up and Blow Away. Voici The Twist à La Connexion, assez fou, 89.fr. Too wasted to close the window. Friends and family looking into my only hiding place. The rhythm of a stranger's skin. Infidel to die for what I am doing. Will happen in the morning when the mirror won't recognize me. Feels a certain gesture when we're loving to ask each other, do you want it? Do you want me? I want it. It is you. You are where I want to be. Who is he? Why would I hitch a ride? I can drive. Avec The Twist. L'album s'appelle Grow Up and Blow Away. Vous écoutez La Connexion à C'est Fou 89.1 FM. Et si vous voulez entendre plus de musique de ce genre-là, pourquoi ne pas écouter François-Olivier Marchand avec L'Alternative, les lundis soirs de 16h à 18h. Mais vous écoutez La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Et c'est l'heure du fil jeux vidéo. Commençons par une nouvelle plutôt bizarre. Selon Local10.com, un adolescent possédant une ceinture noire en karaté a utilisé une épée samouraï afin de faire peur à des voleurs qui étaient visiblement intéressés par sa PlayStation 3. Donc, vendredi dernier, Damien Fernandez et sa sœur Diane sont revenus à la maison alors que leurs parents étaient au travail. Ils ont d'abord entendu cogner à la porte, puis deux hommes sont rapidement entrés. Alors que Diane, 15 ans, est allée se cacher dans un placard, son frère était toujours dans sa chambre. Pendant ce temps, les voleurs se concentraient sur les bijoux. Les suspects se sont ensuite dirigés vers la chambre de la jeune fille où ils ont trouvé une boîte vide de PlayStation 3. En voulant changer de pièce, ils se sont retrouvés devant un adversaire inattendu, soit Damien, équipé de son épée. Il a suffi de pointer son arme en direction de la poitrine d'un des voleurs pour lui faire peur. Les polices ont rapidement retrouvé ce premier homme près d'un palmier, alors que l'autre a réussi à s'échapper. Javier Cotera, 21 ans, a donc été arrêté puis relâché selon plusieurs conditions. Il devra se présenter en cour dans deux semaines pour faire face à trois chefs d'accusation. Les deux jeunes Fernandez ont tout de même été chanceux que les voleurs ne portent pas d'armes à feu, parce que l'épée aurait été plutôt inutile selon l'article de JeuxExpress.com. Maintenant, un article de Hardgamers.com. Verrons-nous une baisse de prix au cours des prochains mois pour la nouvelle console de Sony, la PlayStation 3, nouvelle étant relative? Ça semble être la conclusion qu'on peut tirer des dernières informations transmises par le PDG et président de Sony, Sir Howard Stringer, au site Financial Times. Donc, au cours de cette entrevue, Stringer a vanté le succès de la Wii de Nintendo, affirmant même que le modèle d'affaires de Nintendo a été supérieur à celui de Sony. Par contre, il a rapidement stipulé que la Wii n'est pas plus divertissante que la PlayStation 3 et que le succès de la console de Nintendo n'est principalement attribuable qu'à son bas prix. En fait, selon Stringer, les deux consoles sont complémentaires et supplémentaires l'une à l'autre plutôt que compétitrices. Toujours au sein de l'entrevue, Stringer a avoué que Sony étudiait présentement la question d'une réduction de prix de la PlayStation 3 et que la firme regardait afin de prendre une décision d'ici le temps des fêtes. Le montant de la réduction est présentement ce qui est à l'étude chez Sony et ça laisse fortement penser que celle-ci va procéder à une réduction de prix, surtout avec l'automne généralement synonyme de grandes ventes dans l'industrie du jeu vidéo. Donc, Stringer ne s'est pas dit inquiet quant aux performances de la PlayStation 3, avouant même que les ventes de la console ne sont pas différentes que celles qu'ont connues la PlayStation 1 et la PlayStation 2. Depuis, le PDG a affirmé que les jeux actuels offerts sur la console n'utilisent que 20% des capacités de cette dernière et qu'une fois qu'ils utiliseront la pleine puissance, les résultats vont être déroutants. L'article est de Hardgamers.com. Revenons à JeuxExpress.com. C'est hier, c'était le 19 juin, donc mardi, que Ken Kutaragi, le chairman et directeur exécutif de Sony Computer Entertainment, a officiellement pris sa retraite. Donc, en avril, on l'annonçait à la collection, il avait annoncé sa décision de partir comme ça. Et comme prévu, son remplaçant va être Kazuo Hirai, l'ancien président et COO de Sony Computer Entertainment. Kutaragi est littéralement une icône. Littéralement une icône. C'est le fun à... comme un petit fichier sur le bureau, comme ça, de l'industrie du jeu vidéo. Il n'est ni plus ni moins... le père du PlayStation, et il a permis à Sony de dominer deux générations complètes. Sa dernière console, bien qu'elle soit une excellente machine, ne réussit toutefois pas à susciter le même intérêt, dit l'article, surtout à cause de son prix très élevé et l'absence de jeux extraordinaires. Hein, belle opinion. Ken Kutaragi, 56 ans, va rester un conseiller pour la division jeux vidéo de Sony, et pour le reste de l'industrie, il demeurera un pionnier et un visionnaire. Toujours sur Jeux Express, parlons un petit peu de Castlevania, le film. Hein, récemment, on avait appris qu'un film basé sur la franchise Castlevania était en développement. C'est alors Paul W.S. Anderson qui avait été choisi pour réaliser le film. Mais selon Variety, Anderson a finalement choisi de tourner Death Race à la place. Il semblerait que c'est Sylvain White de Stomp the Yard qui va le remplacer. White va garder le script de Anderson comme base de son adaptation. Il va évidemment faire des modifications. Toujours selon Variety, le tournage va commencer cet automne en Afrique du Sud et en Roumanie. Rogue Pictures et Crystal Sky Entertainment prévoient déjà lancer le film à la fin de l'année 2008. Anderson avait déjà décrit le projet comme étant l'équivalent de Dracula Begins. D'accord. La bonne nouvelle dans ce changement de réalisateur, selon l'article, est que White est, semble-t-il, un fan de la franchise Castlevania depuis le début des années 90. Donc, apparemment, que ça se pourrait qu'il ne le massacre pas tel que Uwe Boll aurait pu le faire, disons. Une entrée de Diablo vient de faire son apparition dans la section In Development du site de Legendary Pictures. Donc, quand on sait qu'un film, et là l'article vient de GameCult.com, quand on sait qu'un film de Vin Diesel, initialement baptisé El Diablo, avait été renommé A Man Apart à cause d'un conflit de copyright avec Blizzard, on ne peut que penser qu'il s'agit bel et bien là d'une future adaptation du fameux titre de Blizzard North, Diablo, bien qu'il n'y ait évidemment rien de sûr pour l'instant. Donc, on va vous tenir au courant s'il y a des développements sur un film de Diablo. Microsoft a annoncé qu'elle a déposé une poursuite contre la compagnie Immersion, responsable de la technologie ajoutant de la vibration dans plusieurs types de contrôleurs ou de manettes. Selon le document déposé en cours, Microsoft poursuit Immersion en alléguant que cette dernière n'a pas respecté les termes d'une entente conclue entre les deux firmes en 2003. Parmi les faits reprochés à Immersion, on note une cause obligeant Immersion à payer Microsoft selon certains accords de licence. Il est toutefois impossible de dire pour quel montant Microsoft poursuit cette compagnie Immersion. Un cas semblable s'est produit en 2002, alors que Immersion avait traîné en cours Microsoft et Sony. Les compagnies se sont finalement entendues en 2003, où Microsoft avait accepté de payer 26 millions de dollars à Immersion pour des droits de licence et pour une part dans la compagnie. Voilà qui fait le tour des nouvelles de jeux vidéo pour l'instant. Regardons un petit peu les jeux qui se sont le plus loués chez Super Club Vidéotron pour la semaine dernière. C'est ce qu'on appelle le champignon d'or. En 10e position jusqu'à la 6e, on retrouve Naruto Ultimate Ninja sur PlayStation 2, Call of Juarez sur Xbox 360, Tomb Raider Anniversary sur PlayStation 2, Pokémon Pearl Version sur DS et Wii Play sur la Wii. En top, en 5e position, Mario Party 8 sur la Wii. En 4e, Tenchu Z sur la 360. En 3e, Guitar Hero 2 sur la 360. En 2e, Guitar Hero 2 sur la PlayStation 2 et le jeu le plus loué est sur Xbox 360. C'est Forza Motorsport. Voici une pièce de Jacques Mort, Âge de raison. Tout de suite à la connexion à CFU 89.1 FM. Au sol des chemins, ça c'est jamais de trop. Comme une mer qui m'inonde les mains. Mais tu te noyais dans ses eaux. J'aurais enfin trouvé mon dernier repos. Comme une fièvre qui me glace les os. Mais tu te noyais dans ses eaux. Yeah. avec Âge de raison de leur mini ou maxi dent de lait à la connexion à CFU 89 FM, la radio campus de Trois-Rivières. J'ai écouté l'album au complet en boucle cette semaine et j'adore ça, donc si ça vous tente d'essayer ça, Jacques Mort, hein? Donc maintenant, passons à Autour du net. Regardons un petit peu les choses que j'ai trouvées cette semaine sur Internet pour changer les choses. On commence par un exemple, blatant, comme on dirait en anglais, d'un mauvais Photoshop. Donc quelqu'un a pris une photo, en tout cas c'était dans un magazine, ça s'est vraiment retrouvé dans un, je crois que c'est un catalogue. C'est d'une fille comme ça qui se promène sur la plage avec son beau petit top, etc., son ensemble. Et puis on voit une main en trou sur son épaule. C'est toujours bon d'avoir des exemples de mauvais Photoshop. Donc, on dirait qu'elle a juste la main de la famille Adams accrochée sur son épaule. Allez voir lunechance.com pour la photo. J'ai posté du site The New Shelton Wet Dry. We want to trust the way what we read. C'est leur slogan. Et puis, ce qu'ils ont pris, c'est des photos de différents artistes qui ont pris des articles bizarres de la maison. Par exemple, dans le premier cas, c'est 848 fourchettes, couteaux et cuillères pour faire une sculpture qui, lorsqu'on voit l'ombre, l'ombre donne quelque chose de complètement différent. Dans ce cas-ci, l'ombre donne une motocyclette. Okay? Dans l'autre en bas, c'est 6 mois de poubelles qui ont été rassemblées comme ça dans une pile. Et lorsqu'on regarde l'ombre, on dirait un gars et une fille à côté l'un sur l'autre en train de boire du vin et de fumer une cigarette. Hein? Ça continue comme ça et comme ça, encore un paquet de gens, surtout des personnes. Un monsieur avec un chapeau melon et une canne, alors que lui, ce qu'il a utilisé, c'est genre des chaudrons. Non, c'est quand même bien. Une chose pour, je crois, pour le fromage. En tout cas, allez voir donc l'article qui s'appelle Freeze Frame Screen. C'est sur lunechance.com dans la section Autour du net. Ensuite, c'est des photos prises de différents angles qui font que ça donne quelque chose de bizarre. C'est des lecteurs du site Best of the Web, Best Jokes on the Net, qui ont envoyé ces photos-là. Des photos qui ont été prises au bon angle pour créer une illusion d'effet bizarre. Par exemple, un pied qui sort du cou d'une personne. Ou encore un gars qui met son pied sur la tour de Pise pour la faire pencher. Ou encore, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a? Une fille qui donne un bisou au sphinx. Ou un gars qui pète une grosse flamme. C'est toujours le fun à voir. C'est sur lunechance.com. Ensuite, un site qui s'appelle blabberize.com. Si vous suivez un petit peu les nouvelles du net, vous savez que la dernière mode, c'est les lolcats. C'est-à-dire de prendre des photos de votre animal de compagnie, lui mettre une phrase drôlement écrite, un petit peu comme si le chat, mettons, connaissait pas vraiment l'anglais. Donc, il y a une petite phrase décrite et puis le chat qui fait un drôle de mouvement. Dans ce cas-ci, vous pouvez prendre la photo de n'importe quel animal, lui donner un petit texte et faire une vidéo avec ça. Si j'appuie sur play, je crois qu'on va pouvoir entendre le chat. Ça, c'est pas un chat, c'est un genre de hamster. On va pouvoir l'entendre, je crois. Est-ce qu'il va parler? Est-ce qu'on l'entend parler? Est-ce que tu parles, mon petit? Parle. Allez, vas-y, parle. Il veut pas parler, il est trop gêné à la radio, je pense. Bon, je le comprends, je suis pareil. En tout cas, allez voir blabberize.com, c'est vraiment cool comme site. Ensuite, tout le monde aime Wikipédia, vous le savez, j'adore Wikipédia, tous les nerds l'adorent, et même les gens normaux. Hein? Les écrans bleus de la mort, vous connaissez ça, hein, les Blue Screen of Death. Sur Windows, il y a plusieurs couleurs qui peuvent être associées au Blue Screen of Death. Il peut y en avoir des noirs, des vertes, des jaunes, des blanches, et un paquet d'autres couleurs. Il y a une page sur Wikipédia qui vous donne des exemples de Screens of Death. Allez voir l'article Various Screens of Death on Wikipedia. Ensuite, l'image du jour, tiens, un super beau mode de Nintendo 64 pour ressembler à la Nintendo Wii. Donc, c'est une Nintendo 64 en blanc avec des LED bleus. Si vous voulez voir comment ça a été fait, c'est sur le site de tanuki.com et passé par le unechance.com. Toujours sur de Tanuki, des artistes ont peint différents personnages et items, articles de Mario et de différentes autres séries comme Zelda dans la rue. Comme ça, et donc c'est sur Flickr. Il y a un petit lien en bas qui dit Flickr. Cliquez pour voir 70 exemples de différentes photos qui ont été peintes comme ça en ville. Je trouve ça vraiment génial. Si vous aimez chercher sur Google pour des images, qui n'aime pas chercher sur Google pour des images? Il y a une façon de chercher seulement des figures. C'est une nouvelle option de la part de Google qui n'a pas vraiment été annoncée. Donc, si vous voulez chercher quelqu'un, par exemple, vous tapez le mot David Hasselhoff. Hein? Toujours une bonne chose à chercher. Pour limiter vos résultats à des images seulement, vous avez qu'à rajouter à la fin de la ligne qui va apparaître dans votre curseur, vous tapez une perluette, le E anglais, là, hein? IMG type égale face. Enter, et voilà, que des images de la face de David Hasselhoff. C'est quand même bien. Hein? Et voilà qui fait le tour de la section Autour du net pour l'instant. Regardons un petit peu les mots-clés qui sont les plus recherchés cette semaine. En fait, c'est aujourd'hui même à 7h06. Si vous écoutez en direct le jeudi à midi 22, on est le 21 juin. Donc, le numéro 1 présentement, c'est Katia Decker-Sadowski. C'est une joueuse d'un certain sport. Wow, j'aime ça quand je sais vraiment qu'est-ce que c'est. 9-5 en single, j'imagine que c'est du tennis, voilà, des singles. C'est ça, au ITA West Regional Consolidation Final. And Final TFFA. Et regardons d'autres mots que je pourrais peut-être connaître dans ce top 100. Jeff Gordon, en 34e position. AFI List, une liste de films de l'AFI en 54e position. Et puis, Coffee Liqueur, en 88e place. Très, très le fun. Et finalement, il y a un petit dernier. Top 100 des films est en 15e position. Voilà qui fait le tour pour le clic d'or américain via Google. Plus tard, on parle de YouTube sur l'iPhone. Mais tout de suite, voici une pièce. Il n'y a pas de silence. Là, c'est un peu silence à la connexion. Things, but you left talking powder all over the bathroom. And yeah, it's great, you can blow smoke rings, but you won't taste your lips if you do get to kiss her. And it's your party, but I'll die if I want to. I'll die if I want to. Air was better, and I couldn't tell if the singer's keyboard was a crutch or a synthesizer, but it sounded like he'd broken a limb each and every time he pushed the key down or in. We'll be right back. De retour, c'est la deuxième demi-heure de la connexion. Et dans cette demi-heure, on va parler, entre autres, du fil informatique. On va parler de YouTube sur le iPhone, du nouveau film de Michael Moore, Sicko, qui était illégalement disponible sur YouTube. Et de YouTube, qui participe aux élections présidentielles américaines. Un petit bloc YouTube, si ça vous intéresse, restez là. Pour l'instant, voici une pièce de Maximo Park, Girls Who Play Guitars, à la connexion, l'émission d'informatique et de jeux vidéo de C'est Fou 89 FM, la radio Campus de Trois-Rivières. Day 365 days watching me decay. We used to talk about girls who play guitars. We used to talk about plans in tiny bars. In the gaps between words are the things that really intrigue me. It's the gasps and the sighs that say more about what's inside you. We used to clamber on a high horse every time. We used to talk about boys with missing spines. It's her life and her life is worth living. It's her life. It never struck her to pause for 1 minute. It's her life. Excess just led to boredom. You've lived your life with your mouth wide open. It's her life and her life is worth living. It's her life. It never struck her just to pass the 1 minute. It's her bed and you're living with your friend. Don't you know how much that hurts? You could pretend and I wouldn't know. I could be who you wanted in the dark. She goes out, she gets drunk, she gets off, she goes home, she gives in. She goes out, she gets drunk, she gets off, she goes home, she gives in. It's her life and her life. Guitars de Maximo Park à la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo à C'est Fou 89 FM. Plus tard, on va entendre entre autres du La Loi du Cactus, du Haut Bijou et du Polype. Donc restez là, mais pour l'instant, c'est l'heure du fil informatique. Un petit bloc sur YouTube, un bloc à thème, on aime ça. On t'aime. Les utilisateurs du iPhone vont pouvoir regarder les vidéos de YouTube sur leur téléphone cellulaire, a annoncé Apple mercredi. YouTube convertit actuellement toutes les vidéos disponibles sur son site dans le format nécessaire au iPhone, qui s'appelle le H.264, afin que tout soit prêt pour l'automne. Selon ce qu'affirme la compagnie dans son communiqué de presse, 10 000 vidéos de YouTube vont être accessibles aux utilisateurs du iPhone dès qu'il sera lancé aux États-Unis, soit le 29 juin. Bien que la norme de communication téléphonique sans fil du iPhone, le Edge, ne soit pas plus performante pour la diffusion de vidéos en temps réel, la présence dans le téléphone d'Apple d'une connexion Wi-Fi 802.11b ou G permettra aux utilisateurs de se brancher à haut débit à Internet lorsqu'ils seront proches d'un point d'accès sans fil, facilitant donc la consultation de vidéos sur YouTube. Et je cite, « Parmi les téléphones cellulaires sur le marché, le iPhone est celui qui rendra l'utilisation de YouTube la plus agréable », a déclaré Steve Jobs, le président d'Apple. Tout à fait. Je me demande simplement pourquoi c'est pas Apple qui s'adapte à YouTube. Pourquoi est-ce qu'Apple ne supporterait pas le format de YouTube au lieu de demander à YouTube de transférer 10 000 vidéos vers son format? C'est un petit peu bizarre. Mais bon, s'ils veulent le faire pour s'adapter, c'est quand même le fun de leur part. Le nouveau film du controversé documentariste américain Michael Moore, Sicko, pouvait être vu dans son intégralité le week-end dernier sur YouTube, 2 semaines avant sa sortie prévue pour le 29 juin. Cette version diffusée illégalement par les internautes sur le populaire site internet de partage vidéo était divisée en 14 extraits de 10 minutes, j'imagine, et proviendrait d'une copie en haute définition qui circule abondamment sur les réseaux peer-to-peer depuis quelques jours. En fait, le film est téléchargeable sur BitTorrent depuis déjà quelques jours, donc si vous voulez vous le procurer, allez-y, t'sais. Mais je vous le conseille pas. Avant que le film ne soit retiré de YouTube dans la matinée de lundi, chaque extrait a été vu en moyenne par 500 internautes, affirme Reuters. Weinstein Company, la firme qui distribue Sicko en partenariat avec Lionsgate, a indiqué qu'elle vient d'embaucher plusieurs experts afin de prendre les mesures nécessaires pour protéger le film des pirates. Le cinéaste semble de son côté ne pas trop se préoccuper du piratage de ses films. Comme il l'avait indiqué en 2004 lors d'une entrevue avec le quotidien écossais Sunday Herald à propos de son film Fahrenheit 9/11, et je cite « Je n'ai aucun problème à ce que les internautes téléchargent mes films, tant qu'ils n'essaient pas de faire de l'argent sur mon dos », avait-il déclaré. C'est mon héros. J'ai fait ce film pour faire évoluer certaines choses et je suis content si plus de personnes le voient. Voilà la phrase. Toujours Michael Moore avec ses opinions géniales. À mon avis. Lors des débats télévisés précédant les primaires démocrates et républicaines en vue des élections présidentielles de 2008, les candidats vont devoir répondre aux questions envoyées par les internautes sur le site de partage YouTube. La nouvelle formule de débat mise sur pied par YouTube et par la chaîne de nouvelles en continu CNN devrait être la plus démocratique de toutes les formules possibles, selon le chef de bureau de CNN à Washington, David Bowman. Entre 20 et 30 personnes parmi toutes celles envoyées sur la section You Choose de YouTube seront sélectionnées par les organisateurs des débats. Pendant l'événement, les internautes vont pouvoir également commenter les réponses des candidats sur YouTube. Le premier débat devrait avoir lieu entre les candidats démocrates le 23 juillet à Charleston, en Caroline du Nord, et un second débat entre les républicains devrait se dérouler en Floride le 17 septembre. Les deux débats vont être diffusés sur CNN et un écran géant va projeter les questions des internautes. C'est peut-être pas révolutionnaire, mais c'est quelque chose qui change quand même les choses. Donc, quand quelque chose change les choses, ça veut dire que c'est révolutionnaire, quand on y pense. Non, mais c'est un très, très bon concept. J'ai hâte de voir l'exécution, par contre, qui me laisse un petit peu perplexe, étant donné que la qualité des vidéos sur YouTube est toujours très, très mauvaise. Voyons voir ce qu'ils vont faire pour bien diffuser ça. Peut-être que ça va être juste un petit carré à l'intérieur d'un grand décor sur un écran géant. Toujours au sujet de YouTube, dans notre blog à thème. En toute discrétion, YouTube vient de lancer 2 nouveaux services, une version de son portail conçu pour les téléphones mobiles et une station de montage vidéo en ligne commanditée par Adobe. Le premier permet donc de consulter des vidéos depuis un téléphone cellulaire, sous réserve que l'utilisateur dispose d'un forfait de données suffisamment large pour autoriser ce genre de distraction assez énorme. Baptisé YouTube Remixer, le second dispense une interface présentant quelques outils de montage, des outils de montage qui viennent directement du logiciel Adobe Premiere Express. Accessible depuis plusieurs semaines au service N-Series de Nokia, au mobile N-Series de Nokia, le YouTube en version mobile requiert un téléphone compatible avec le streaming vidéo. Les contenus sont diffusés au format 0.3GP dans une résolution inférieure à celle utilisée sur le web, donc imaginez. Ils ne peuvent être sauvegardés sur le téléphone, évidemment. La page d'accueil du service est précédée d'un avertissement dans lequel YouTube explique que le streaming de vidéos depuis son service se révèle particulièrement gourmand en bande passante, donc si vous y allez au cas, ça va coûter cher. Il suggère de passer à une formule illimitée dans ce petit avertissement. Les vidéos diffusées sur YouTube ne se retrouvent pas toutes sur la version mobile du service, qui ne propose, au dire de ses dirigeants, qu'une sélection de contenus adaptés à la consultation en situation de mobilité. Devrait ensuite venir l'envoi de vidéos depuis un mobile via MMS, à tester sur le m.youtube.com selon l'article de Clubic.com. Donc allez voir le m.youtube.com. Pour ceux qui diffusent leurs créations vidéo sur YouTube, la récente acquisition de Google fournit également un service simplifié de montage en ligne qui tire parti des applications d'Adobe Premiere Express. Le YouTube Remixer, c'est son nom, propose à l'utilisateur de retrouver puis de modifier les vidéos envoyées par ses soins sur le web. Les fonctionnalités sont relativement de base, mais elles permettent de fusionner ou de couper des vidéos en leur incorporant des transitions, des sons ou des légendes textes. Et finalement, changement de sujet, parlons un petit peu de Yahoo, toujours quand même dans la même veine environ. Le président de Yahoo, Terry Semel, a créé la surprise en annonçant lundi qu'il renonçait à son poste de directeur général du portail Internet américain, mettant fin à son inefficace fuite en avant pour tenter de rattraper le numéro 1 mondial des moteurs de recherche en ligne, Google. Une bataille jusqu'ici perdue qui a démoralisé tant ses actionnaires que les employés de Yahoo. Le groupe Yahoo, basé à Sunnyvale, a nommé son cofondateur docteur Jerry Yang comme nouveau directeur général et Susan Decker au poste de présidente. Ancienne directrice financière de Yahoo, Susan Decker, qui avait été pressentie comme l'héritière probable de Terry Semel, avait récemment été mutée à la supervision des opérations publicitaires de l'entreprise. À 64 ans, Terry Semel restera président, mais sans rôle exécutif, après avoir passé 6 ans à la tête de Yahoo, donc très, très gros changement, précisant que M. Semel avait pris sa décision souverainement. Yahoo a fait savoir qu'il ne recevrait pas d'indemnité de départ, hein, donc vu que c'est son propre choix. Pas d'indemnité, malheureusement. Ancien directeur d'un studio de cinéma, Terry Semel a fait fortune depuis son arrivée à la tête de Yahoo en mai 2001, à hauteur de près de 450 millions de dollars d'options reçues pendant son exercice. L'article vient de la presse canadienne. C'est le tour pour le bloc de nouvelles YouTube. Cette semaine, regardons un petit peu le top des mots-clés les plus recherchés sur la toile du Québec la semaine dernière. Passons rapidement de la 15e à la 6e. Cinéma, rencontre, recette, annonce classée, Remax, Desjardins, Emploi Québec, 4-1, Accéder et les PAC. En 5e, descente pour les têtes à claques. En 4e, remontée pour Météo Média. En 3e, stable pour Hotmail. En 2e, redescente pour Horoscope. Et en 1e, remontée, donc un échange encore entre les deux, pour Loto Québec. Voici la loi du Cactus avec Babylon Resistance Sound System avec Culture Connection à la collection à la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est fou 89.1 FM. Oh, oh. Musique venir vers toi. Entends-tu le message que transporte notre voix? Si tu te sens seul, prisonnier de tes questions, alors laisse tomber le stress et accepte notre invitation. Car autour de nous il y a tant de problèmes. Avant de changer le monde, commençons donc par nous-mêmes. Allez, joins-toi à nous et viens lancer avec le Babylon Resistance Sound System. We're getting down, down, down, down. And it's the Babylon Resistance Sound System. We're getting down, bringing you down. You think you got more sunshine in all them life? Do you got more loving in their life? Because we are fight by the sign in their life. They do them want more loving in their life. Yeah, them want rights. We not in the gun because we are fight by the sign. Eat up every day, one treat we like growth. Somehow we hungry while you pack it them both. Kick back and a relax while out your life tough. Babylon your schemes we've had enough. Fight for your rights. Otherwise nobody now go to you them. Yeah, stand up and fight. You won't hear me, me ready not sister. And it's the Babylon Resistance Sound System. La loi du cactus avec Babylon Resistance Sound System. À la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. À CFU 89 FM, on est toujours Mathieu Plante. Maintenant, parlons un petit peu de jeux vidéo avec la deuxième partie du fil jeux vidéo. On commence par Rockstar Games qui risque d'avoir de sérieux ennuis avec le futur Manhunt 2. Non pas que la compagnie se retrouve dans l'eau chaude pour le moment, mais elle risque d'avoir de la difficulté à tout simplement mettre son jeu sur le marché. En plus de l'Angleterre, l'Irlande a interdit la vente du jeu Manhunt 2, un jeu très violent. La Nouvelle-Zélande et l'Australie menacent aussi de bannir ce jeu sur leur territoire respectif. Toutefois, la difficulté majeure à laquelle risque de faire face Rockstar se situe du côté de Nintendo et de Sony, parce que le jeu s'est vu attribuer la cote AO, ou Adults Only, pour adultes de 18 ans et plus, par le SRB. Or, tant du côté de Sony que de Nintendo, une politique interdit la vente de jeux cotés AO par le SRB sur leur système. Reste à voir si Rockstar Games va abaisser le niveau de violence de Manhunt 2, prévu pour la Nintendo Wii, la PlayStation 2 et la PSP pour le moment. Donc, c'est que le jeu, c'était, en tout cas sur Wii, ça vous permettrait de trancher la tête de quelqu'un avec votre manette, genre, tellement que c'est gore. Regardez les commentaires sur l'article de hardgamers.com qui disent « Ils s'attendent à quoi? » Hein? Hein? L'autre dit « C'est de l'abus de gore, ce jeu-là. » et non pas de Al Gore. Et l'autre dit « GTA San Andreas a été classé AO après le Hot Coffee et il a continué d'être vendu. C'est la première fois que j'entends parler de cette politique de vente chez Sony. Est-ce que je suis tout seul? » Voilà. Continuons avec des nouvelles de Project Gotham Racing 4. Microsoft a échappé quelques informations à propos de leur prochain jeu de course Project Gotham Racing 4. En effet, 4 des 10 villes ont été dévoilées et l'une de celles-ci est bien connue, c'est la ville de Québec. Vous allez donc pouvoir courser également sur des parcours non seulement de Québec, mais de Shanghai, de Saint-Pétersbourg et de Nürburgring. Donc voici aussi les 6 voitures qui ont été dévoilées avec cette même annonce. La 1967 Toyota 2000 GT, la 78 Lamborghini Countach LP400, la 98 Subaru Impreza 22B Sti, la 2004 BMW M5, la 2007 Rough RGT et la 2007 Lotus GT3RR. Voilà, pour ceux que ça intéresse, hein, on va reconnaître bien les places. Si vous voulez voir des photos d'ailleurs de Québec dans Project Gotham Racing 4, allez voir l'article sur lunechance.com. On voit les photos, c'est beau. Moi, je connais pas Québec, je pourrais pas vous dire c'est où ces photos-là, mais quand même, ça a l'air que c'est à peu près réaliste. Microsoft et Bungie ont officiellement annoncé la fermeture du bêta de Halo 3. Les deux compagnies ont profité de l'occasion pour dévoiler des statistiques impressionnantes en ligne avec ce bêta, dont plus de 820 000 joueurs ont été participés à un moment ou à un autre. Au total, c'est 12 millions d'heures qui ont été consacrées à cette phase importante du développement. Ça représente 1400 ans. Enfin, environ 580 000 séquences vidéo ont été sauvegardées par les joueurs au cours du bêta. Ce succès populaire permet à Microsoft d'être confiant en vue du lancement de la version complète de Halo 3 le 25 septembre prochain. Déjà reporté à l'année fiscale 2008, qui commence au 1er avril de l'année prochaine, Spore, le jeu Spore, S-P-O-R-E, pourrait très bien se faire encore plus attendre. La dernière édition de Game Informer prétend en effet que le titre de Will Wright serait retardé indéfiniment, oui, tandis que Kotaku, qui a contacté Electronic Arts à ce sujet, parle d'un report à l'année fiscale 2009, sans dire plus de détails. Donc Spore, un jeu très très attendu, qui est remis à plus tard encore une fois. Voilà qui fait le tour de la deuxième partie du fil jeux vidéo. Regardons un petit peu les jeux les plus vendus cette semaine. On va prendre le Royaume-Uni. Tiens, pour la 22e semaine de 2007, on commence par les positions 10 à 6 en accéléré. FIFA 07 de Electronic Arts, Command & Conquer Tiberium Wars de EA, Programme d'entraînement cérébral du Dr. Kawashima, Quel âge à votre cerveau de Nintendo, Cooking Mama de Nintendo et Wii Play de Nintendo. En 5e, toujours de Konami, Pro Evolution Soccer 6. En 4e, de Nintendo, Mario Strikers Charged Football. En 3e, Spider-Man 3 de Activision. En 2e, c'est Tomb Raider Anniversary de Eidos. Et en 1ère, c'est Pirates of the Caribbean at World's End de Disney, qui se retrouve au sommet des jeux les plus achetés au Royaume-Uni. Alors qu'aux États-Unis, en 5e position, on retrouve Wii Play sur la Wii. En 4e, Pokémon Pearl sur DS. En 3e, Spider-Man 3 sur PlayStation 2. En 2e, Mario Party 8 sur la Wii. Et en 1ère, le jeu le plus vendu selon NPD Group, c'est Pokémon Diamond sur Nintendo DS. Alors que Pokémon Pearl est en 4e, ça va quand même bien. 331 000 exemplaires de Pokémon Diamond ont été vendus cette semaine. N'est-ce pas incroyable? On continuera tantôt avec le fil informatique deuxième partie et le bloc à lien. Et tout de suite, voici Golden Scans de Klaxons à la connexion. Yeah, old and the young. Light touch my hands and the dream of gold is down to now. You can't forget our future plans. Light touch my hands with the turning gold is down to the night. To the light of that to God in your hands. We sail from Sands Bro. Golden Scans, à la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Leur album s'appelle Myths of the Near Future. Vous écoutez, c'est fou, 89 FM, la radio la plus impressionnante au monde. Et mon nom est Mathieu Plante. C'est l'heure de la deuxième partie du fil informatique. Regardons un petit peu ce qui s'est passé cette semaine d'important. La chaîne américaine de club vidéo Blockbuster vient de choisir le Blu-ray de Sony comme le seul et unique format de disque à haute définition qui va être disponible pour location dans ses 1450 magasins qui se trouvent aux États-Unis. Blockbuster a conclu que ses clients privilégient clairement le Blu-ray au détriment du format concurrent, le HD-DVD. Et je cite, « Nos clients nous envoient un message qu'il m'est impossible d'ignorer », a-t-il déclaré à l'Associated Press le vice-président du marchandisage de Blockbuster, M. Matthew Smith. Le plus large éventail de films disponibles en Blu-ray a aussi été un facteur déterminant pour Blockbuster. « Je crois que c'est une décision qui manque de vision à long terme », a pour sa part déclaré Ken Graffio, l'un des deux présidents de l'organisme qui fait la promotion du HD-DVD en Amérique du Nord. « Blockbuster n'écoute pas vraiment ce que les consommateurs disent », a-t-il ajouté, ou au moins prétendu. Ça vient de la BBC et de l'Associated Press via Branchez-vous. Si on lit entre les lignes, là, même je dirais si on lit les lignes de l'article, ça veut dire que le Blu-ray risque de gagner pour l'instant la guerre contre le HD-DVD. Mais bon, c'est un facteur de plus. Voyons si ça continue dans le même chemin dans les prochains mois. J'imagine que la décision va se prendre bientôt. Ça fait quand même longtemps que la guerre dure. Mais bon, si on regarde dans d'autres domaines, les guerres peuvent durer longtemps. Le géant japonais de l'électronique grand public Sony devrait prochainement mettre un terme à son service de musique en ligne qui s'appelle Sony Connect. La fermeture de Connect devrait entraîner la perte d'une vingtaine d'emplois, alors qu'elle permettra à Sony de se concentrer sur sa division PlayStation, une division mise à mal par le succès de Microsoft et de Nintendo sur le marché de la console de jeux contre la PlayStation 3. Seule la branche de livres électroniques du service Connect devrait perdurer, sans d'ailleurs que l'on sache si le nom Connect va être conservé. La responsable de la division Sony Connect, Steve Benfield, le responsable, devrait pour sa part quitter la compagnie complètement. Sony Connect n'a jamais vraiment connu le succès, ses promoteurs ayant tout fait pour le rendre impopulaire et inutilisable face à iTunes, le leader du secteur, dit l'article de Cubic.com. S'appuyant sur un logiciel lourd et franchement peu convivial, le magasin Sony Connect dispose qui plus est d'un catalogue particulièrement restreint et pratique des prix plus élevés que la concurrence. Ouais, ils sont sévères chez Cubic. En outre, il utilise un format propriétaire bourré de DRM ou de verrous complique la vie des utilisateurs légitimes, tandis que le système Fairplay d'Apple est pour le coup beaucoup plus Fairplay. Voilà. Tiens, une petite nouvelle rapide quand même, si on regarde ça dans le fil informatique. PayPal va devenir une banque, selon Radio-Canada, selon Bruno. D'ici la fin de l'année, le service PayPal devrait lancer un outil de paiement en ligne qui va permettre à un client d'obtenir un numéro de carte de crédit Mastercard pour une transaction unique. L'outil va permettre... lors d'une, contraction. PayPal est enceinte. Une transaction en ligne avec un commerçant qui n'accepte pas le paiement par le billet du service PayPal. Le montant sera ensuite soustrait du compte PayPal. De plus, à compter du mois de juillet prochain, le service PayPal aura le statut de banque en Europe et tous les comptes européens vont être transférés à la banque PayPal du Luxembourg. Quand même génial. Vraiment génial. Maintenant, faisons quelque chose de spécial. Le bloc à lien dans la connexion. Le bloc à lien, c'est des nouvelles qui se lient ensemble par quelque chose de spécial. On commence par une nouvelle assez spéciale. En Chine, un adolescent a tué sa mère et sérieusement blessé son père après que ceux-ci aient refusé de lui donner de l'argent afin qu'il puisse aller dans un cybercafé. C'est ce qu'on peut lire dans un article de l'agence de presse Chine Nouvelle Xinhua. Le jeune homme a poignardé à mort sa mère et a ensuite sauté sur son père alors que celui-ci rentrait à la maison après sa journée de travail. Sérieusement blessé, le père a tout de même réussi à se rendre à la maison voisine où habite son frère afin d'appeler la police. Une fois les policiers sur les lieux du crime, ils ont trouvé l'adolescent assis seul dans sa chambre. Lors de son interrogatoire, le jeune homme a avoué qu'il planifiait depuis déjà quelques semaines l'assassinat de ses parents, qui, selon lui, limitait sérieusement son développement personnel. L'adolescent qui rêvait de devenir politicien ou économiste, pas une chance avec ça, avait quitté l'école depuis quelques temps déjà et travaillait pour son père dans le domaine de l'alimentation. Il passait tous ses temps libres dans les cybercafés à jouer à des jeux vidéo sur Internet. Pour contrer le problème grandissant de dépendance des adolescents chinois à Internet, le gouvernement du pays asiatique a récemment annoncé qu'il va freiner l'expansion des cafés Internet sur son territoire en n'émettant plus de nouveaux permis pour le reste de 2007, dont l'article vient de Reuters et de Chine Nouvelle. Le lien? Peut-être que c'est de la faute de cet homme. L'un des deux inventeurs du World Wide Web a reçu mercredi soir l'une des plus prestigieuses médailles du Royaume-Uni dans une cérémonie présidée par la reine Elizabeth II. Sir Tim Berners-Lee fait dorénavant partie du club très sélect de 24 personnalités de l'Ordre du Mérite, institué en 1902 par le roi Édouard VII pour récompenser les mérites artistiques, littéraires et scientifiques des Britanniques. Le chercheur universitaire a inventé, en compagnie de son collègue belge Robert Caillot, le World Wide Web entre 89 et 91, alors que les deux hommes travaillaient ensemble au Conseil européen pour la recherche nucléaire, le CERN, situé à quelques kilomètres de Genève en Suisse. C'est en liant le concept d'hypertexte à celui du protocole de connexion Internet TCP-DNS que Berners-Lee et Caillot ont révolutionné le monde des télécommunications. En poussant plus loin leurs recherches, les deux hommes ont ensuite créé les trois principaux éléments du World Wide Web, les adresses web, le Hypertext Transfer Protocol, le HTTP, voilà, ainsi que le Hypertext Markup Language. Donc, dans le fond, on parle du HTTP, du www et du .html. Hein? Parmi les autres membres de l'Ordre du Mérite se retrouve la reine elle-même, le duc d'Édimbourg, le prince de Galles, la cantatrice Joan Sutherland, voilà, l'architecte Norman Foster et l'ancienne premier ministre Margaret Thatcher. Le lien. Hein, c'est le bloc à lien quand même, il faut le préciser. Peut-être que l'Internet va se répandre à Montréal. Après Fredericton et Toronto, c'est maintenant au tour de Montréal de se voir doté de plus vastes services de couverture Wi-Fi ou Wi-Fi. Il y a bien l'organisme Îles sans fil qui travaille depuis déjà quelques années dans le domaine pour créer un vaste réseau de couverture Wi-Fi dans la région montréalaise. Mais cette fois, on parle d'une initiative commerciale comme celle de Toronto qui veut desservir plus de 300 km² de superficie sur l'île en commençant par le quartier du plateau Mont-Royal dès septembre. C'est l'entreprise Radioactive qui est à l'origine de ce nouveau service qui va combiner à la fois un service WiMAX et Wi-Fi pour le plus grand bonheur des internautes nomades. En plus de pouvoir brancher son ordinateur à une vitesse moyenne de 5 Mbps par seconde, l'équivalent du service DSL, Radioactive va également permettre l'utilisation du téléphone IP mobile. L'utilisation d'un appareil téléphonique qui se branche automatiquement sur Skype pourra également être possible dans ce type d'environnement. Et la dernière nouvelle du bloc à lien, peut-être que l'Internet va encore une fois causer de gros problèmes parce que les nouvelles technologies peuvent rendre la vie des écoliers peut-être un peu trop facile. La commission scolaire Marie-Victorin sur la rive sud de Montréal a dû annuler l'examen final de français de quelques 2000 élèves de la 5e année du secondaire en raison d'une importante opération de tricherie. Le Journal de Montréal rapporte que la veille de l'épreuve, les adolescents ont publié sur Internet le corrigé de 19 pages de leur examen. La présidente de la commission scolaire, Lucie Desilets, a expliqué au quotidien qu'une enseignante n'avait pas tenu compte d'une note de service précisant lequel des questionnaires disponibles allait être utilisé. Elle a eu recours à ce même questionnaire pour préparer ses élèves à l'approche de l'examen, mais certains l'ont téléversé, c'est-à-dire uploadé, sur le site MediaFire, le rendant disponible pour tous les camarades souhaitant le télécharger. Donc, lundi, 1900 élèves de 8 écoles secondaires de Longueuil et de Brossard ont été soumis à l'examen en question. Les enseignants et surveillants se sont rendus compte de la situation quand des élèves se sont pointés avec des cahiers annotés avec les réponses. Tous les résultats ont été annulés et l'épreuve qui devait compter pour environ 10 % de la note finale ne sera pas reprise faute de temps pour en préparer un autre. L'importance relative des autres notes obtenues pendant l'année sera simplement ajustée en conséquence. Cette épreuve d'appoint concoctée par le ministère de l'Éducation peut toujours être utilisée par les autres commissions scolaires de la province. Le ministère n'a apparemment pas l'intention de les aviser que les réponses circulent sur le web. C'était le bloc alien, donc on a passé d'un accro à Internet qui poignarde ses parents à l'inventeur du web qui gagne une médaille de la reine Elisabeth II au Wi-Fi à Montréal et aux réponses d'un examen sur le web. Voilà le bloc alien. Plus tard, on va parler de gadgets, on va parler de petits trucs bonus de téléchargement et le mixdown de choses intéressantes de la semaine dans le POW. Mais tout de suite, voici Super Humain de Polype à la connexion, l'émission d'informatique et de jeux vidéo de CIFO 89.1 FM. Faker et YouTube deviennent polyglottes. 15 000 $ pour les gadgets d'Uncle Tom et la musique de Au Bijou à la connexion. C'est la deuxième heure de la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Mon nom est Mathieu Plante avec vous seul comme ça pour encore une heure. Des choses qui vous intéressent, des choses qui vous importent. On parle entre autres plus tard de Linux et Microsoft. On parle de Google qui est rendu à 65 % de part de marché aux États-Unis et de Flickr et YouTube qui deviennent polyglottes. Mais avant, voici la musique de Au Bijou. Leur album s'appelle Swift Feet for Troubling Times et voici Saint Francis à C'est Fou 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières, la radio la plus divertissante au monde. Thank you. Au bijou avec Saint Francis de leur nouvel album Swift Feet for Troubling Times à la connexion à C'est Fou 89.1 FM. Maintenant, c'est l'heure de regarder quelques petites nouvelles encore une fois dans le monde de l'informatique. Le voilà. Les ennemis d'hier sont parfois les amis de demain, dit l'article de Kubik. Après avoir versé 20 millions de dollars de dommages et d'intérêts à Linspire pour que celui-ci renonce à la marque Lindows, Microsoft annonce cette semaine la signature d'un accord avec cet éditeur de solutions Linux. Similaire à celui passé en novembre avec Novell, cet accord place Linspire à l'abri d'éventuelles poursuites entreprises par Microsoft à l'encontre de l'univers du libre. La distribution gratuite FreeSpire n'est pas concernée par contre par cette nouvelle. Selon les termes de leur partenariat, les deux sociétés vont s'engager à travailler ensemble à l'interopérabilité de leurs différents produits. Ces efforts vont se limiter à l'intégration de codecs et de produits Microsoft à la distribution Linspire, qui est une distribution de Linux faite pour les gens qui changent de Windows à Linux. Question qui se retrouve un peu. Ça ressemble vraiment beaucoup à Windows physiquement, mais à l'intérieur, ce n'est pas. D'accord? Donc, c'est ça. Ils vont intégrer le codec RT audio de Microsoft pour les communications vocales par messagerie instantanée, ainsi que les codecs audio et vidéo de Windows Media 10. Linspire va embarquer également certaines des polices de caractères de Microsoft, dont Arial, Georgia, Times New Roman et Verdana. Et cerise sur le gâteau, dit l'article, Live Search va être positionné comme moteur de recherche par défaut dans Linspire 5. Les deux firmes indiquent enfin que Linspire se joindra au développement de convertisseurs open source permettant d'établir des passerelles entre les formats de documents OpenXML de Microsoft et OpenDocument. Les modalités financières de l'accord n'ont pas été révélées, mais David Kafer, responsable des questions de propriété intellectuelle chez Microsoft, assure que les deux firmes y trouveront leur compte. Linspire précise encore que l'intégration de ces technologies Microsoft n'aura pas d'impact sur le prix de sa distribution commerciale. Voilà, qui est quand même assez intéressant. Petite transition vers une musique moins stressante pour moi. Google a pris en charge 65,1% des recherches lancées sur Internet aux États-Unis au mois de mai, contre 59,3% il y a un an, selon une étude du marché du cabinet Hitwise publiée mardi de cette semaine. Au cours des quatre semaines se terminant le 26 mai, Yahoo détenait 20,9% du marché contre 22% en mai 2006, selon Hitwise. Le moteur de recherche MSN Search de Microsoft a de son côté pris en charge 8,4% des recherches contre 12,1% auparavant, tandis que Ask.com détenait 3,9% du marché contre 4,4%. Les 49 autres, imaginez, moteurs de recherche étudiés par Hitwise, ont représenté en tout, là, 49 moteurs en tout, 1,7% des recherches en ligne aux États-Unis en mai. Why bother? Certains diraient, mais bon, quand même. Ils ont du mérite, au moins ils essayent. YouTube lance cette semaine des versions en différentes langues de son site internet de partage vidéo. Donc les internautes du Brésil, de la France, de l'Irlande, de l'Italie, du Japon, des Pays-Bas, de la Pologne, de l'Espagne et du Royaume-Uni peuvent maintenant consulter YouTube dans leur langue maternelle. Lors d'une conférence de presse, les deux cofondateurs du site, Chad Hurley et Steve Chen, ont également annoncé qu'ils avaient conclu des ententes de diffusion avec différentes chaînes de télé dans ces 9 pays, dont notamment France 24 et Antenne 3 en Espagne. Des partenariats ont aussi été conclus avec des équipes européennes de football comme le AC Milan, Chelsea et Real Madrid, ainsi que des organisations à but non lucratif comme Greenpeace. Et je cite, « Il est tout aussi important pour nous d'offrir aux internautes un contenu qui soit adapté à leur pays d'origine que de traduire YouTube en différentes langues. » Donc, on comprend que c'est pas seulement une traduction littérale du site. Si vous allez voir sur YouTube.fr en ce moment même, il n'y a pas seulement une traduction. Vous pouvez chercher des vidéos de différentes chaînes, dont Fille TV, hein? Fille TV, allez voir ça sur YouTube.fr. De son côté, Chad Hurley a rappelé que plus de la moitié des visiteurs de YouTube ne proviennent pas des États-Unis. Leur objectif, et je cite, c'est de divertir et d'informer les internautes qui viennent de partout dans le monde. Voilà ce qu'il a expliqué. Apple a annoncé jeudi dernier, voilà le 14 juin, en après-midi, que la version bêta pour Windows de son navigateur Internet Safari a été téléchargée par plus d'un million d'internautes depuis le début de la semaine. Parce que jeudi dernier, si vous écoutiez la connexion, on parlait que Safari, le furteur de Apple, est maintenant disponible sur Windows. Ben maintenant, un million d'internautes, quand même pas si pire. La compagnie californienne affirme sur son site Internet que Safari est le plus rapide de tous les navigateurs Internet destinés au système d'exploitation de Microsoft. Selon les tests qu'Apple a effectués, Safari pourrait charger un document HTML deux fois plus rapidement qu'Internet Explorer 7 et battrait également les logiciels Firefox 2 et Opera 9. À noter que la compagnie a publié jeudi matin, le 14 juin, une première mise à jour de son bêta, intitulée la 3.0.1, afin de corriger déjà quelques failles sécuritaires qui ont été dénichées par les internautes qui testent le logiciel depuis les premières minutes. Ça va très, très bien pour Apple, je trouve. La vente aux enchères des produits d'Uncle Tom, nouvelle assez bidon, mais quand même importante dans le contexte de la charité. Donc, la vedette du site tête-à-claque.tv a rapporté 15 000 $ à la fondation de l'hôpital Sainte-Justine. Tenue sur eBay au cours des derniers jours, la vente aux enchères mettait en vedette le Body Toner, une tapette à mouche, 8 600 $, le Willy Waller, qui est un épluche patate à 3 550 $, et le LCD Shovel 2007, une pelle pour 2 146 $ et 21 $. Donc, ça a très bien fonctionné. Non pas parce que les gens voulaient nécessairement les produits des têtes à claques, peut-être que ça a contribué à ça, mais c'est surtout l'œuvre caritative de l'hôpital Sainte-Justine. C'est la famille de Céline et David Sépulcre de Montréal, ainsi que leurs enfants Jonathan, Péric et Arnaud, qui ont mis la main sur les 3 articles d'Uncle Tom en même temps, tenant absolument à obtenir la collection complète de ces objets uniques. Donc, l'article continue. L'article de Canoë dit « Pourquoi payer si cher pour des objets si peu extraordinaires? » Et je cite « Un de nos fils souffre d'autisme, répond Céline Sépulcre. Depuis sa naissance, nous avons multiplié les visites à Sainte-Justine. Les gens de la Fondation et de l'hôpital sont dévoués et dédiés aux enfants. Ils nous ont tous aidés à leur manière à passer au travers de plusieurs épreuves. » Fin de la citation. Sachant que leurs enfants sont de grands adeptes des têtes à claques qu'ils ont fait d'une pierre deux coups en leur donnant des cadeaux uniques, en redonnant à leur façon à l'hôpital qui les a tant aidés. Moi, je trouve ça vraiment bien, c'est pour ça que je tenais à en parler, même s'il était à claque, tu sais. Mais maintenant, regardons un petit peu, ça fait le tour pour l'instant des nouvelles d'informatique, et même ça fait le tour en général. Mais maintenant, c'est l'heure de parler de ce qui s'est passé cette semaine dans l'histoire, en retournant dans le passé pour voir ce qui s'est passé. C'est l'heure de la disquette, parce que c'est le côté informatique de la chose pour la semaine dernière. Donc, je vais y aller. Ça, c'est difficile à traduire pour moi, donc il faut tenir le coup. Le 17 juin en 1997, des hackers ont réussi à déciphérer du code informatique écrit dans le Data Encryption Standard qui avait été désigné pour être un logiciel d'encryption impénétrable. Un groupe d'utilisateurs organisés sur Internet ont réussi à craquer le logiciel qui était à ce moment-là le logiciel d'encryption exportable légalement le plus fort aux États-Unis. Après 5 mois de travail de leur part, les États-Unis ont banni les logiciels d'encryption forts parce qu'ils avaient peur que ce serait utilisé par les terroristes, mais les compagnies qui faisaient des logiciels ont dit que ces restrictions étaient inutiles parce que les pays étrangers offraient des programmes encore plus forts et encore plus difficile à déciphérer. Ça, c'était en 97. En 92, le 18 juin, le Los Angeles Times disait qu'un senior au secondaire, donc quelqu'un dans sa, je crois, dernière année au secondaire, Kevin Chang, avait gagné le concours de science d'ordinateur de son coin, de sa ville, de l'endroit où il habitait, avec un programme pour améliorer le traffic flow, qu'on appelle en anglais, en contrôlant automatiquement l'accélération et le freinage. Donc, le programme de Chang utilisait un senseur infrarouge qui surveillait la distance entre une voiture et d'autres objets. Il disait à la voiture s'il devait accélérer ou ralentir. Ça, c'était en 92. La science. En 1623, on recule loin, le 19 juin en 1623, Blaise Pascal est né. Le mathématicien Blaise Pascal est né en France. Avant de mourir à l'âge de 39 ans, Pascal a produit plusieurs théorèmes importants et en géométrie, en physique, en théologie, en d'autres matières. Sa contribution la plus significative dans le domaine des ordinateurs est arrivée avec l'invention du Pascaline, une calculatrice numérique qu'il a fabriquée pour aider son père avec ses impôts. Voilà, en 1623. En 1981, le 21 juin, IBM a retiré son dernier mainframe Stretch, qui faisait partie de la série 7000, qui représentait les premiers ordinateurs à transistors de la compagnie. Au sommet de la ligne d'ordinateurs qui ont tous émergé significativement plus rapidement, ils étaient plus fiables encore que les machines à tubes aspirateurs, vacuum tube machines dans ce temps-là. Donc, voilà, les ordinateurs Stretch. Je crois que c'est tout ce que j'ai réussi à traduire de cet article. Ensuite, en 1910, le 22 juin, Conrad Zuse est né en Allemagne. C'est un pionnier des ordinateurs, en fait un des premiers. Zuse, en 1940, ou dans les années 1940, a commencé à travailler sur le plan calculus, le premier langage de programmation algorithmique. 7 ans plus tôt, Zuse avait développé et construit le tout premier appareil d'informatique numérique binaire. Lire à l'envers, c'est malade. Le Z1. D'accord? Donc, il a complété le premier... le premier ordinateur numérique électromécanique contrôlé par du papier avec des trous dedans. Voilà, le Z3 en 1941. Et seulement le Z4, qui était la création qui a fait la plus sophistiquée, a réussi à survivre à travers la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Et finalement, le 23 juin 1997, Kodak et Motorola voulaient développer une nouvelle caméra numérique. Donc, Eastman Kodak Company et Motorola Inc. ont annoncé une technologie, un partenariat de technologie pour développer de nouvelles caméras numériques pas chères et légères. Donc, c'était pour compétitionner avec ses rivaux japonais. Et le but était d'améliorer la technologie dans les caméras numériques qui étaient souvent très grosses et lourdes pour enregistrer des informations photographiques dans un format qui pourrait être lu par un ordinateur, permettant donc aux utilisateurs d'éviter de faire développer leurs films et pouvoir facilement envoyer des images via l'Internet. Ça, c'était en 1997. Voilà mon défi de la semaine toujours complété. J'aime ça. Maintenant, c'est l'heure de passer à la série qui s'appelle Doom, The Dark Side of Phobos. On est rendu à la 9e pièce de cette collection qui compte 22 pièces. L'article s'appelle... L'artiste, voilà, s'appelle Analog avec un Q. Sa pièce s'appelle Demon Con Gusto. Demon Con Gusto. Si vous voulez plus d'informations sur la série En Concert qui, depuis des semaines comme ça, dure et perdure à la connexion, en fait, l'idée, pour ceux qui ne connaissent pas la série En Concert, c'est qu'on prend une série, d'accord, d'où le nom, série En Concert, là. On prend deux albums, dans ce cas-ci, c'est deux albums qui forment une collection de pièces du jeu Doom, qui était un shooter à la première personne pour le PC, développé et réalisé par id Software en 93. Donc, le jeu était révolutionnaire pour ce moment-là. La musique a été créé par Robert Prince et là, des gens comme vous et moi, ok, ben, plus vous que moi, mais bon. Donc, on a pris la musique de Doom, l'ont refait, l'ont remixé et ça a fait une collection que vous pouvez télécharger sur le doom.ocremix.org. On écoute tout de suite la pièce numéro 9. Voici Analog et Demon Con Gusto à la connexion à CFO 89.1 FM. de la vie qu'on devrait se gâter, étant donné que je suis seul cette semaine. Passons de Analog avec Demon Con Gusto à avec Ars Assassin. Tiens, voici This Can Be Good, la dixième partie à la collection. Dash.com, Dash.com, Assassin avec This Can't Be Good, la dixième partie de notre série en concert Doom the Dark Side of Phobos. Ma préférée jusqu'à maintenant, j'ai vraiment aimé l'ambiance que cette pièce-là crée. C'est génial. Si vous voulez télécharger toute la collection au complet, la réécouter, vous faire imprimer votre propre pochette, allez voir le doom.ocremix.org, doom.ocremix.org, ou passer par lunechance.com. Au retour, on parle de gadgets avec des lampes qui flottent. Ça va être génial. À la connexion, c'est fou 89 FM. Dernière demi-heure de la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Mon nom est toujours Mathieu Plante. Dans cette dernière demi-heure, c'est le ramassis, le fouillis total de choses que j'ai trouvées sur Internet, dont des gadgets, quelques trucs bonus, quelques téléchargements. On va regarder aussi ce qui s'est passé cette semaine dans l'histoire des jeux vidéo. On va voir ce qu'il y a de nouveau en magasin cette semaine. Et finalement, on va terminer l'émission par le POW! POW! Où on va tout mettre ce qui reste. Ça va être génial, ça va être très très rempli comme dernière demi-heure, comme toujours. À venir dans une demi-heure, à 14h, pardon, si vous écoutez le jeudi, restez là pour les palmarès, c'est fou. Si vous écoutez le samedi ou le mardi, notre rediffusion, les maths mardis, ça va être la chance au coureur, mais ça c'est dans une demi-heure, alors que nous on continue avec une super, super bonne pièce de Lovey Feathers. Voici Pope John Paul. Pope John Paul à la connexion. Ah, c'est fou, 89 FM, la Radio Campus de Trois-Rivières. We go down to the store and we draw a line on the corner. We go down to the store and we draw a line on the corner. They don't like it when you break, and you will break. They don't like it when you break, and you will break. And we say, Pope John Paul died today. And we say, Pope John Paul, where are you from? Cracker Poland! Cracker Poland! Pope John Paul, where are you from? Go down. Are we going to the grave? And we draw. Are we going to the corner? Grave? She says no. No, but we go. Oh. But they cut me a letter. They don't like it when you break, and you will break. They don't like it when you break, and you will break. We'll break. The Lovely Feathers avec Pope John Paul de leur album Hind Hind Legs. Album que je vous conseille vraiment, c'est un bon bon petit groupe de Lovely Feathers. Voilà. Maintenant, c'est l'heure de parler de gadgets avec la chronique GoGo Gadget. Cette semaine, j'ai trouvé plusieurs gadgets très intéressants que moi, j'ai bien aimé en tout cas. Donc, commençons par une lampe flottante. Donc, une lampe suspendue. Hein? À un angle bizarre, mais à partir du sol. Donc, dans le fond, la lampe flotte vraiment avec un fil qui va jusqu'au mur. On s'imagine que le fil a une substance dure à l'intérieur qui l'empêche de tomber par terre à chaque seconde. Mais on peut penser aussi que c'est de la magie noire. Peut-être. C'est une édition limitée de 2001 qui vient de Up et Workman. Donc, si vous voulez la trouver par vous-même, là, vous allez avoir beaucoup de difficultés. Mais c'est quand même facile à faire si vous avez les ingrédients qu'il faut, qui sont sur le site via Phosphor Gadget, via Gizmo. Il vous faut une caméra rapide aussi parce que c'est pas une lampe qui peut tenir comme ça pendant des années non plus. Il faut prendre la photo assez rapidement. Et peut-être impressionner votre chien avec, comme sur la photo. C'est beau. Tiens, ça c'est vraiment cool. C'est Wear Your Seat, qui est un coussin padé, ok, à peu près semi-rigide, on pourrait dire, en forme, on pourrait dire d'œuf ou de pieuvre bizarre, ou de main même peut-être. Donc sa forme unique vous permet de le porter comme sac à dos, pas très subtil, mais quand même, pour le transporter facilement et ensuite vous asseoir dessus. C'est vraiment bien. Donc pour l'instant, c'est seulement un concept, un design, concept de design pour l'instant, mais s'ils réussissent à avoir un brevet pour peut-être que vous allez le retrouver en quelque part, ça s'appelle Wear Your Seat via le site Crib Candy via Ogizmo.com. Génial. Génial. Tout ce qui manque, selon l'article de Ogizmo, c'est une prise USB pour peut-être mettre des données dans votre banc pour qu'il serve vraiment à quelque chose. Donc vraiment, ça ressemble. On dirait que vous avez un œuf. On dirait que vous êtes Calimero, ça. C'est spécial. C'est cool. Ensuite, prochain gadget. Ah, ça, c'est pas si mal. C'est une compagnie de l'Amérique du Sud qui s'appelle Consul qui ont amélioré un réfrigérateur, un modèle de réfrigérateur ou quelques-uns qui vendent. Donc, l'extérieur du frigo est fait pour, comme un tableau blanc. Tu sais, un tableau que tu peux écrire avec un crayon feutre spécial, des notes, une liste d'épicerie, n'importe quoi, et ensuite l'effacer. Donc voilà, les crayons sont inclus, rouge et mauve. Hein? Donc c'est ça, c'est simplement un frigidaire sur lequel vous pouvez écrire. Ça, c'est disponible seulement au Brésil pour l'instant. Ça coûte environ 760$ pour le modèle avec un congélateur et 630$ pour le modèle sans congélateur. Si vous allez voir sur le site de Aqualera, il y a une section où vous pouvez faire votre propre dessin sur votre propre frigidaire en ligne. Vous avez qu'à cliquer sur le lien « Comcar a Desenhar ». C'est l'Aquarella Refrigerators de la compagnie via Josh Spear via Ogizmo.com. Ensuite, quelques bijoux 8 bits, comme on pourrait dire. Hein? Donc, l'article dit « Nous vivons dans un monde numérique », comme vous le savez. Donc, c'est bien d'avoir quelques retours en arrière avec de la faible résolution du low-res. Donc, c'est Mike et Malik qui sont les premiers à avoir... les designers Mike et Malik sont les premiers qui ont amené ça dans le domaine des jeux vidéo, si je comprends bien. Voilà, donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont trouvé des bijoux de différents jeux vidéo via Google Images. Ils ont modifié un peu pour avoir encore une moins bonne résolution. Ils les ont imprimés sur du cuir. Sur du cuir pour faire des bijoux qui sont reproduits littéralement, que vous pouvez porter vous-même. Donc voilà, c'est génial. Allez voir ça, c'est Stolen Jewels via Yanko Design via Ogizmo.com. Moi, je trouve ça vraiment bien. Tiens. La prochaine fois que vous allez vouloir faire un vœu, d'accord? À la place de faire, cuire une dinde, hein, faire chauffer une dinde, ou tout ça, hein, pour avoir le petit os pour réussir à le tirer et faire votre vœu. C'est un paquet de 100 feuilles. Ça nous rappelle un petit peu ce qu'on a vu la semaine dernière dans la section gadget avec le roche-papier-ciseaux version électronique. Hein, c'est dans les liens du unechance.com si vous voulez vous informer là-dessus. Dans ce cas-ci, c'est 100 feuilles de papier et chacun a l'image imprimée d'un os de dinde, d'accord? En bas, il y a une petite ligne, voilà, un point de démarrage pour déchirer la page en deux. Comme le site le dit, et je cite, « L'imprévisibilité de déchirer du papier vous permet de faire des souhaits, pareil comme avec un os, avec chance naturelle complètement. » Et en plus de ça, vous allez économiser plein d'argent en n'ayant pas à acheter de la dinde. C'est bien ça que l'article dit. Et voilà, et vous n'aurez pas à jeter de la monnaie dans une fontaine. Hein? Voilà. Donc, allez voir Wish Paper, c'est sur paradoxyproducts.com via Ogizmo. sur unechance.com comme toujours. Et le dernier gadget, je vais pas y aller en détail avec celui-là, c'est un porte-clés avec un genre de petit crochet à la fin pour pouvoir ouvrir une porte. C'est pour les germophobes. Allez voir ça, c'est The Handler via Uncrate, via Ogizmo. C'est sur unechance.com comme toujours. Voilà qui fait le tour des gadgets maintenant, qu'il nous reste à peine 18 minutes pour finir l'émission. Regardons un petit peu ce qui s'est passé cette semaine dans l'histoire. Retournons dans le passé, voir ce qui s'est passé dans le passé avec la chronique La Cassette, c'est le côté jeux vidéo. On commence par le 20 juin, on y va en ordre chronologique. En 97, GT Interactive sortait Blood pour le PC aux États-Unis. En 97, Square Co. sortait Final Fantasy Tactics pour la PlayStation au Japon. Et en 2006, Microsoft annonçait que un demi-milliard de parties de Halo 2 avaient été jouées sur Xbox Live avec 7,4 millions de copies de jeux vendues. Ce qui veut dire, si on calcule qu'en moyenne, chaque joueur a joué au-dessus de 100 matchs en ligne, ce qui est à dire un assez grand succès. Le 19 juin 1999, Min Guzman Lee et Jess Cliff sortaient un mode de Half-Life qui s'appelait Counter-Strike. En 2000, Microsoft annonçait qu'ils avaient acheté Bungie Studios. Voilà. Le 18 juin 1985, Nintendo sortait Wrecking Crew pour la NES au Japon. Le jeu que vous appelez peut-être Wrecking Crew. Wrecking Crew. Toujours le fun d'entendre. Un jeu de stratégie d'arcade où Mario et Luigi font une petite apparition. Hein? En 2002, Atari sortait Never Winter Nights pour le PC aux États-Unis. Le 17 juin 1994, Electronic Arts sortait Ultima Gaiden ou Ultima Runes of Virtue 2 pour la Super Nintendo au Japon. La version américaine a changé le titre. Dommage. En 2004, Konami sortait Silent Hill 4 The Room pour la PlayStation 2 au Japon. Le 16 juin 1999, Eidos sortait Official Formula One Racing pour le PC. Hein? C'est tout. C'est vraiment tout. Le 15 juin 1999, Hasbro annonçait Hasbro Sports, une étiquette qui allait focusser sur des jeux de sport avec des jeux tels que Trivial Pursuit NASCAR Edition. Wow, Trivial Pursuit, le jeu de société. C'est un sport, apparemment. Electronic Arts, en 2005, sortait Batman Begins pour toutes les grandes consoles. Et finalement, le 14 juin, en 2000, Capcom sortait Techromancer pour la Dreamcast aux États-Unis. Et en 2002, Sony annonçait une campagne de 250 millions de dollars pour faire la promotion de la PlayStation 1 et la PlayStation 2 aux États-Unis. Pardon. Donc, beaucoup, beaucoup d'argent. Et à la place, c'est à peu près ça. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé cette semaine dans l'histoire. Au retour de la prochaine et dernière pièce musicale de l'émission, on va parler entre autres de quelques petits trucs bonus. On va parler aussi de ce qui s'est passé il y a 1 an, 2 ans et 3 ans à la connexion. Mais pour l'instant, voici une pièce de The Might Be Giants. C'est Istanbul, not Constantinople. Une pièce que j'adore. De The Might Be Giants, tout de suite à la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo à C'est Fou 89 FM. Istanbul was Constantinople, now it's Istanbul, not Constantinople, been a long time gone. Constantinople now is Turkish delight on a moonlit night. Every gal in Constantinople lives in Istanbul, not Constantinople. So if you've a date in Constantinople, she'll be waiting in Istanbul. Even old New York was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say. People just liked it better that way. So take me back to Constantinople. No, you can't go back to Constantinople. Been a long time gone, Constantinople. Why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks. Istanbul. Istanbul. Even old New York was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say. You just liked it better that way. Istanbul was Constantinople, now it's Istanbul, not Constantinople. Been a long time gone, not Constantinople. Why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks. So take me back to Constantinople. No, you can't go back to Constantinople. Been a long time gone, Constantinople. Why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks. Istanbul. They might be giants. Et Istanbul, not Constantinople, à la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. À C'est Fou 89 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Toujours Mathieu Plante. Il nous reste 12 minutes environ à la connexion ici cette semaine à 13h, à 14h, pardon. 14h, c'est le début des palmarès C'est Fou le jeudi. Et si vous écoutez la rediffusion du samedi ou du mardi de midi à 14h, eh bien, à 14h, c'est la chance au coureur, toujours avec moi. Donc, c'est vraiment littéralement le mardi, le jeudi et le samedi, c'est moi entre midi et pas mal 17h. 5 heures par jour. Puis le vendredi de 10 à 13 et de 17 à 20 heures. C'est beau. Donc, regardons ce qui va être en magasin cette semaine. Oui, parce que vous savez, vous avez beaucoup trop d'argent à dépenser. Donc, voici comment la dépenser cette semaine. La liste des jeux sur PC, Xbox 360, Xbox, PlayStation 3, PlayStation 2, Sony PSP, Wii, GameCube, Game Boy Advance et Nintendo DS qui ont été lancés la semaine dernière. Sur PC, Call of Juarez, hein? Monster Madness Battle for Suburbia, UFO Afterlife et The Sims Pet Stories. Sur Xbox 360, Monster Madness Battle for Suburbia, Tenchu Z, Fantastic Four Rise of the Silver Surfer. Sur Xbox, aucun jeu. Même chose sur la GameCube et la Game Boy Advance. Sur PlayStation 3, Fantastic Four Rise of the Silver Surfer. Sur PlayStation 2, Naruto Ultimate Ninja 2, Raw Danger et Fantastic Four Rise of the Silver Surfer. Sur Sony PSP, Rainbow Six Vegas. Sur la Nintendo Wii, Wii Brain, Big Brain Academy Wii Degree. Scarface, The World is Yours et The Sims 2 Pets, en plus de Fantastic Four Rise of the Silver Surfer. Sur Nintendo DS, Time Ace, Zendoku et Fantastic Four, encore une fois. Donc, le nombre de jeux parus cette semaine, ça fait 17. Voilà. Ensuite, regardons un petit peu quelques téléchargements cette semaine. En fait, non. Regardons les trucs bonus. Trucs bonus. Quelques petites affaires qui peuvent vous simplifier la vie. Vous savez, quand vous ouvrez une boîte de dialogue qui vous demande de trouver un fichier, vous avez un fichier en particulier. Vous savez que c'est d'un type de fichier particulier aussi. Par exemple, c'est un JPEG. Et vous avez de la difficulté à le trouver dans une mer de fichiers incroyables que vous avez dans vos dossiers. Donc, les types de fichiers que Windows prend en charge. Donc, si vous voulez améliorer votre efficacité, tiens. Donc, tapez un astérisque même, on pourrait dire. Donc, Windows prend ça comme un point d'interrogation, c'est comme un genre de wildcard, suivi par l'extension de votre fichier. Par exemple, si vous voulez trouver des JPEG dans une mare de fichiers pêle-mêle, tapez étoile.jpg, ce qui va isoler vos fichiers JPEG dans la fenêtre. Et pour défaire ça, pour annuler votre filtre, vous n'avez qu'à taper un seul astérisque et appuyer sur Enter, donc petite étoile, Enter. Et vous pouvez même ça, amener ça encore plus loin. Si vous voulez trouver un fichier qui s'appelle, disons, Fight, hein, vous tapez étoile, Fight, étoile. Vous allez trouver tous les fichiers qui s'appellent Fight, entourés de peu importe le mot, dans votre fenêtre de dialogue. Voilà, c'est le premier truc bonus. Ensuite, tiens, ces petits bouchons de plastique qui viennent avec votre produit Apple. Vous savez, Apple envoie des fils et ont toujours un petit câble de plastique qui finissent toujours par se perdre en quelque part. Donc, quelqu'un sur le site Mac OS X Ints suggère de les attacher avec de la soie dentaire. Hein? Donc, tout ce qu'il vous faut, c'est votre capuchon, de la soie dentaire et une épingle à couche. Donc, voici les étapes. Première étape, utilisez l'épingle à couche et faites un petit trou au bout de votre capuchon. Ensuite, passez la soie dentaire dans le trou, faites un petit nœud, peut-être quelque chose du genre, et utilisez votre petite épingle à couche pour passer le fil à travers le trou. Troisième étape, une fois que la soie dentaire est passée, faites un petit nœud pour empêcher que ça glisse par le trou et coupez le bout qui est en trop. Et étape 4, attachez l'autre bout à votre câble. Voilà qui fait le tour des étapes pour attacher votre capuchon de votre produit Apple avec de la soie dentaire. C'est très, très chic. Un autre petit truc bonus, tiens, Firefox est un super bon furteur, vous le savez, tout le monde l'utilise ces temps-ci. C'est le furteur alternatif, le meilleur selon moi. Mais si vous cherchez une façon de faire un backup de vos signets, hein, ou peut-être essayer un autre furteur, oh mon Dieu, n'essayez pas de nous trahir. Donc, l'importance d'exporter vos bookmarks est toujours là. Si vous êtes dans le fichier, dans le menu fichier de votre Firefox, vous réussirez jamais à trouver l'exporter parce qu'il y a seulement une fonction d'importation. Il faut aller dans marque-page, d'accord? Cliquez sur organiser les marque-pages et là, le menu export ou exporter va être présent dans le menu fichier. Tout ce que vous allez faire, c'est enregistrer votre fichier sur une clé USB, une disquette, un CD, un disque dur externe, n'importe quoi. Et vos signets vont pouvoir être réimportés si jamais vous les perdez. Parce que ça arrive des fois, si vous utilisez différentes extensions, ça se peut que vos signets deviennent corrompus et que vous les perdiez. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc, c'est un très bon truc pour ça. Petit rappel pour les gens qui utilisent le Wii Internet Channel, le canal Internet sur votre Nintendo Wii, ça va devenir payant à partir du 30 juin. Donc, les gens qui, derrière ce logiciel-là, sont très, très bons. Ils font un très, très bon logiciel, apparemment. Mais là, après le 30 juin, le Furteur va coûter 500 points Wii, ou des pouis, comme je les appelle, ou encore 5$. Donc, voilà, la période d'essai devait se terminer et ça va être le 30 juin. Je rappelle la date une dernière fois. J'ai laissé quelques articles sur le site. Voici le POW, c'est-à-dire les choses que je n'aurai pas le temps de mentionner en détail. Il y a des instructions pour faire votre propre rack à CD avec des vieilles boîtes de CD sur votre mur. Allez lire ça. Il y a aussi une façon de mettre tous vos gadgets au même endroit, c'est en utilisant une planche de bois avec des trous en dessous de votre bureau pour, par exemple, les recharger. Très, très bonne chose. Quelques téléchargements, j'ai posté une extension Firefox Thumb Strips qui vous permet de voir vos résultats de recherche un après l'autre dans une barre en bas de votre Firefox, encore une fois. Le logiciel pour tweaker votre Vista, votre Windows Vista, ça s'appelle Vispa. Il y a une façon d'enlever le formatage de vos articles dans le clipboard, dans le presse-papier de Windows. Quand vous faites un copier-coller, tout ce que vous copiez se retrouve dans un presse-papier. Il y a une façon d'enlever le formatage. Par exemple, si vous copiez-collez quelque chose dans Word, et là, vous trouvez ça plate d'avoir les couleurs et les grosses polices ou les tableaux qui viennent avec ça. Donc, le logiciel Clipboard Text Scrubber, voilà, et le logiciel qu'il vous faut. Tiens, je vous avais promis de vous parler de ce qui s'est passé l'année dernière, tiens, à la collection, et on va essayer de parler de 2 ans aussi. Donc, il y a 1 an, le 22 juin 2006, l'émission numéro 125, on parlait d'un important conseiller de Steve Ballmer qui démissionnait, de Microsoft qui faisait fermer un site BitTorrent, Microsoft.fr qui était attaqué par des pirates, Apple qui ferait construire l'iPod dans des ateliers de misère, c'était la grosse controverse, Rogers qui proposait une connexion haute vitesse sans fil au Québec, du côté des jeux vidéo, on parlait d'un changement de programme de box pour UV Bowl, et puis d'une autre acquisition pour Electronic Arts. Il y avait un paquet de choses qui se passaient l'année dernière, c'était pas si pire. Il y a 2 ans, en 2005, le 23 juin, on parlait de la reine d'Angleterre qui achetait un iPod, hein? Et les classiques, ben pas vraiment, mais bon, et les classiques de la révolution sur la Nintendo Wii auraient de nouveaux graphiques, probablement, supposément, c'est ce qu'on avait dit, et puis un crash test qui disait que le GameCube était le plus résistant à un crash test par rapport aux autres consoles du moment. Ça, c'était là 2 ans. Et puis, j'ai posté les derniers articles. Il va falloir aller voir ça sur le unechance.com, www.unechance.com, qui est le site de l'émission. Une façon d'utiliser le iPhone ou les applications du iPhone quelques semaines à l'avance, parce que le iPhone sort dans quelques jours, 29 juin, si je me rappelle bien. Donc, les applications du iPhone vont être des pages web, dans le fond. Donc, vous allez pouvoir essayer ces pages web-là sur le unechance.com, parce que j'ai posté un lien vert. Il y a aussi Google Vidéo qui devient un vrai engin de recherche de vidéos, un peu comme Google Images. Donc, Google Vidéo est devenu un engin de recherche avec une fenêtre séparée en haut qui vous permet de voir plusieurs vidéos de différentes sources, Dailymotion, YouTube, un paquet d'affaires comme ça. Comment résoudre un labyrinthe avec Photoshop? Il y a des instructions qui vous disent dans Photoshop comment ouvrir un labyrinthe et choisir avec la baguette magique des endroits là-dedans pour, en fin du compte, trouver le chemin de votre labyrinthe. C'est une façon de tricher. C'est génial. Et on se quitte. La dernière chose que je voulais vous faire voir, c'est le site TheOnion.com, qui est un site de parodie, qui a annoncé, en blague évidemment, les nouvelles fonctions du iPhone. Et les voici. Ça va être la fin de l'émission. La nanotechnologie qui va permettre au iPhone de se rassembler lui-même lorsqu'on le jettera contre un mur. Un lien exclusif à Google Street View qui vous permet de vous regarder vous-même en train d'utiliser votre iPhone. L'appareil prend des Polaroids. Lorsque tu le passes de la main à l'oreille, il va faire un son de lightsaber. il reproduit... Il y a beaucoup plus de... En tout cas, j'ai pas le temps de lire les autres. C'est la fin de la connexion pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir écouté, comme à chaque semaine. Si vous êtes le jeudi après-midi, parce qu'on est en direct le jeudi de midi à 14h, restez là pour les Palmarès et Fous que j'anime avec Simon et Caroline cette semaine. Si vous écoutez le samedi ou le mardi, parce qu'on est en rediffusion de midi à 14h ces jours-là aussi, restez là pour La Chance au coureur, parce que c'est l'émission de nouveautés musicales. Ça, c'est en direct les vendredis à 10h et les samedis et mardis à 14h. Et je vous retrouve dans les Palmarès et Fous vendredi soir à 17h et en rediffusion, comme je disais, le jeudi à 14h. De la part de moi-même, Mathieu Plante, et de toute l'équipe fictive de la collection, faites attention à vos genoux, bonne journée et bonne chance!